De retour à Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1, Adèle Mazurek nous a raconté comment une personne isolée dans l'obscurité d'une caverne pouvait perdre la notion du temps et altérer ses mythes veille-sommeil. Alors, on va maintenant voir avec Mélanie Jean comment la pollution lumineuse ne nous empêche pas seulement de voir les étoiles, mais comment elle affecte aussi notre horloge biologique. Bonjour Mélanie. Bonjour François. Mais sûrement que toi et la majorité des auditeurs sont déjà allés en camping l'été et avaient regardé le ciel au moins une fois la nuit. Tout à fait, oui. Et vous avez sûrement remarqué à quel point la voûte étoilée au-dessus de notre tête est magnifique quand on n'est pas en ville. Oui, et qu'il y en a des étoiles. Oui, et si vous avez la chance en plus d'y être un soir où il n'y a pas de lune et qu'il n'y a pas de nuages, là, c'est le spectacle le plus grandiose qu'on peut voir. Et moi, ça m'étonne à chaque fois de voir à quel point il y a des étoiles comparativement à ce qu'on voit en ville. Oui, parce que le ciel est noir. Oui, et on peut même apercevoir la Voie lactée très distinctement. Un soir, comme je vous l'ai dit, là, que si vous avez la chance d'être en camping et qu'il n'y a pas de nuages, qu'il fait très clair et qu'il n'y a pas de lune, c'est le moment idéal. Alors, je me suis demandé comment se fait-il qu'on rate ce spectacle-là à chaque nuit en ville? Parce qu'en ville, il y a environ, peut-être à peine une dizaine d'astres parmi les plus brillants qui sont visibles dans le ciel. Et pour les habitants des grandes villes, ben, un ciel étoilé, on pourrait dire que c'est pratiquement quelque chose d'inconnu. Et en fait, c'est à cause de l'éclairage artificiel qui est tellement présent que bien souvent, dans certaines grandes villes, on a de la misère à distinguer clairement la différence entre le jour et la nuit. Et c'est donc une des causes de la pollution lumineuse. Écoute, je dirais même qu'à Hong Kong, quand je suis allé, quand je sortais des stations de métro, souvent, il fallait que je me lève la tête au ciel pour voir si le ciel était noir, parce qu'il y avait tellement de lumière que je pouvais pas le savoir en sortant simplement. C'est incroyable. On ne sait plus si c'est le jour ou la nuit, tellement que la lumière artificielle est omniprésente. Dans certaines villes, c'est le cas. Oui, et la pollution lumineuse est probablement le type de pollution le moins connu. Pourtant, ses impacts sont multiples et sont très importants. Réduire la pollution lumineuse aurait non seulement des impacts sur le voilement des étoiles, comme je l'ai mentionné, mais aussi sur l'environnement, même sur l'économie et même sur notre santé. Le voilement des étoiles, on pourrait dire que c'est la manifestation la plus facile à observer de la pollution lumineuse. C'est l'effet le plus frappant quand on pense à la pollution lumineuse. Mais en fait, concernant le ciel des étoiles, cette pollution lumineuse doit perturber des observations astronomiques également. Oui, tout à fait. Pour les astronomes, la noirceur du ciel, c'est vraiment essentiel pour observer les étoiles. Et l'étude des objets célestes, surtout quand ils sont de faible luminosité, quand ils sont très éloignés, c'est pourquoi l'observation d'étoiles est devenue pratiquement impossible en milieu urbain. D'ailleurs, dans les grandes villes du monde, il y a près de 97% des étoiles qui sont plus visibles. Donc, on voit à peu près 3% du ciel. Et la croissance importante de la pollution lumineuse affecte aussi les activités de recherche des grands observatoires. Pour te donner un exemple, le plus grand observatoire canadien, le David Dunlop Observatory, il a été contraint d'arrêter ses activités d'observation parce que la luminosité du ciel de Toronto a complètement compromis ses activités. Donc, il sert juste de musée, mais il n'y a plus de recherche qui se fait là, c'est impossible. C'est quand même incroyable. Et on imagine aisément que cette débauche de lumière a aussi des conséquences économiques. L'éclairage a un coût. Oui, parce que l'utilisation abusive d'éclairage la nuit, c'est un gaspillage d'énergie et d'argent. Le coût relativement faible de l'énergie, surtout en Amérique du Nord, et l'absence de règles vraiment très définies, ça encourage un peu l'abus d'éclairage nocturne. Et cette énergie qui est superflue contribue aussi à augmenter l'émission de gaz à effet de serre. Parce que l'électricité, souvent, est produite par des combustibles fossiles, les usines au charbon, ce genre de choses. Et c'est surtout le cas aux États-Unis. Une meilleure gestion de l'éclairage entraînerait aussi donc une économie d'argent et d'énergie. Et si on s'intéresse aux impacts sur l'environnement, qu'est-ce qu'on retrouve? Au sens strict, la pollution lumineuse, ça désigne le phénomène d'altération fonctionnelle d'écosystèmes par la diminution de lumière artificielle dans l'environnement nocturne, notamment quand cette lumière a des impacts négatifs qui sont très significatifs sur certaines espèces qu'on appelle les espèces clés. Les espèces nocturnes, les papillons, les insectes, les amphibiens. Donc, toutes ces espèces-là sont fragiles à l'éclairage artificiel. Et est-ce qu'il y a un impact majeur sur l'environnement et la faune? Oui, les animaux nocturnes sont considérablement perturbés dans leur habitat par la lumière artificielle. On dit même que certaines études avancent que ça porte atteinte à la capacité de survie des espèces qui sont sensibles à la lumière et ça accroît aussi le risque de mortalité. Il y a plusieurs animaux, des insectes, qui utilisent la brillance de la lune pour s'orienter, par exemple. Les lumières artificielles vont venir perturber et désorienter ces animaux-là. Il y a des jeunes tortues qui sortent du nid par exemple, et eux, ils utilisent la brillance naturelle de la mer et de la lune pour s'orienter et se mettre à l'abri dans l'eau. Ben, les lumières artificielles sur le bord des mers, ben, ça vient désorienter les tortues et ça les rend plus vulnérables aux prédateurs. Ils se rendent moins facilement à la mer parce qu'ils sont déviés vers les lumières artificielles. La durée d'ensoleillement régit le rythme d'éclosion ainsi que d'hibernation des insectes. C'est aussi un groupe d'animaux qui sont très touchés par la pollution lumineuse. La pollution lumineuse. Les espèces actives au crépuscule, on pense aux papillons, aux grillons, toutes toutes les espèces qui s'éveillent quand le jour tombe, ben, ils s'orientent en fonction des rayons ultraviolets du soleil ou de la pollution de la lune. Et là, lorsque les insectes passent près d'une source lumineuse, on le sait tous, on a tous vu ça, un paquet de papillons qui s'agglutinent autour de lampadaire. C'est ça. Ben, ils tournent. Oui, ils prennent ça comme un repère et ça les dévie de leur chemin. Ils sont attirés par cette lumière hors de leur habitat naturel, souvent. Et là, au lieu de chercher de la nourriture ou de s'accoupler ou de pendre, ben, ils vont gaspiller leur énergie à tourbillonner autour des lampes jusqu'à ce que le soleil se lève. Et là aussi, ils risquent de rester prisonniers de ces faisceaux, de mourir d'épuisement, se brûler carrément sur les lampes, ou d'être... Ben, ça devient une proie facile pour les ennemis, là, parce que là, ils sont très visibles en plus. C'est comme un spot. Ben oui. La cantine est là. Venez vous servir. Pour les oiseaux de nuit. Oui. Et les poissons aussi, on pourrait croire que non, mais oui, ils subissent aussi les effets de la lumière artificielle. Il y a par exemple, aux Pays-Bas, ben, il y a un éclairage artificiel qui est utilisé pour éloigner les anguilles hors des zones de pompage d'eau pour l'alimentation des turbines. Donc, on pourrait penser que sous l'eau, là, non. Mais non, ça les touche aussi. OK. Et est-ce qu'il y a des conséquences pour les plantes? Oui, les arbres et les plantes vont être aussi perturbés par l'éclairage artificiel. OK. On a l'impression que les plantes aiment la lumière, mais pas tout le temps, c'est oui, ça. Mais là, c'est comme passé, c'est comme ça. On peut dire. Les végétaux, ont besoin de lumière pour faire de la photosynthèse. Mais là, en cas d'éclairage constant, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a certaines espèces qui se développent un peu anormalement. Par exemple, les parties d'un arbre qui va être fortement éclairé par un éclairage artificiel nocturne, ben, il va garder plus longtemps ses feuilles. Mais ça occasionne un effet négatif, c'est que là, ben, les premières gelées d'automne, s'il y a encore beaucoup de feuilles, plus qu'à la normale, ben, ça va lui faire des dégâts. Mm-hmm. Et finalement, est-ce qu'il y a des impacts de la lumière aussi, la lumière artificielle, sur la santé? Oui, il est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé que le dérèglement de l'horloge biologique peut causer de nombreux problèmes de santé. Ça va de l'insomnie au stress, au cancer, en passant par la dépression, le diabète, etc. La lumière naturelle, elle joue vraiment un rôle essentiel de resynchronisateur des rythmes biologiques et du système hormonal aussi, chez pratiquement la totalité des espèces, pas seulement pour nous, hein, pour pratiquement tout ce qui vit. Donc aujourd'hui, la médecine a même reconnu qu'une exposition longue à un éclairage artificiel la nuit affecte la santé là, de plusieurs façons. Ce dérèglement, il est souvent lié à la perturbation d'une hormone qui est très importante chez nous, c'est la mélatonine. Mm-hmm. Ça, c'est sécrété quand on dort et en l'absence complète de lumière. Donc, c'est une hormone qu'on pourrait dire chef d'orchestre du corps humain, parce qu'elle coordonne la production de d'autres hormones. Et ça joue un rôle aussi pour le système immunitaire. Ça possède de nombreuses propriétés antioxydantes, antitumorales. Donc, c'est très important. D'ailleurs, il y a des gens qui en prennent. Justement, des gens qui vont souvent en voyage puis qui sont désynchronisés, souvent, ils prennent de la mélatonine pour se resynchroniser. Oui. Et il a été même démontré que la production nocturne de mélatonine, ben, est supprimée par la présence d'une faible quantité de lumière, et particulièrement la lumière bleue, laquelle est produite, entre autres, là, par les fameuses lumières d'ailes et toutes les halogénures métalliques. Mm-hmm. Mais est-ce qu'on va pas... En fait, on n'ira pas jusqu'à plonger les villes dans le noir, alors qu'est-ce qu'on doit faire pour s'éclairer, pour remédier à ce problème, en fait? Pour diminuer la pollution lumineuse, ben, il s'agit tout simplement de mieux s'éclairer. Ah bon, oui. On n'a pas nécessairement besoin de moins s'éclairer. Il suffit de savoir comment mieux s'éclairer. Oui. Il s'agit simplement d'ajuster les lumières extérieures à une intensité moins élevée et surtout améliorer leur orientation. Parce que la majorité des lumières émettent, par exemple les lampadaires, émettent la lumière autant vers le ciel que vers la terre. C'est ça, comme ceux de Québec notamment. Oui, donc c'est totalement inutile d'éclairer le ciel. Ben oui. Parce que ça fait plutôt éblouir qu'autre chose, on ne voit pas mieux. Puis en plus, ben, ça crée de la pollution lumineuse pour ceux qui veulent observer les étoiles. Oui. Donc, avant d'installer un éclairage, il faut se demander si la lumière nocturne est réellement utile à cet endroit-là. Mm-hmm. Et d'ailleurs, j'aurais quelques conseils pour vous. Si vous voulez, si vous avez besoin d'un éclairage nocturne, ben, premièrement, c'est préférable d'utiliser des lampadaires, comme je l'ai dit, si le faisceau lumineux est dirigé uniquement vers le bas. Donc, ça réduit la surface qui doit être éclairée et ça fait moins d'éblouissement et de rayonnement perdu vers le ciel. Exactement. On place les lampes le plus bas possible. On préfère les lampes qui sont moins puissantes. Le reflet de la lumière, là, ça fait l'espèce de halo lumineux là, renvoyé dans la nuit. Ben, ça, c'est gênant pour la faune et pour aussi l'éblouissement en général. On évite aussi le moins possible d'éclairer les espaces verts, les haies, les arbres. C'est pas nécessaire de mettre un gros spot à côté d'un arbre. On voit ce que ça peut faire. Uh-huh. Parce que les plantes aussi ont besoin de dormir, si on peut dire, comme les humains. Oui, exactement. Ils ont besoin d'un cycle de jour et de nuit, exactement. Comme les humains. Et illuminer son jardin le moins longtemps possible. Uniquement quand c'est vraiment nécessaire et en suivant les recommandations que je viens d'énumérer ci-dessus. Mm-hmm. Ben oui, effectivement. Et peut-être que pour éviter les interférences avec le rythme biologique, ben on pourrait peut-être dormir aussi dans une chambre noire, opacifier les fenêtres avec des stores ou des rideaux pour éviter finalement que la lumière des rues ben, rentre dans la chambre à coucher. Oui, mais malheureusement, il va falloir sortir de la ville pour aller voir les étoiles. Oui, on s'en sort pas. Il n'y a rien à faire, effectivement. Merci beaucoup, Mélanie. C'était vraiment intéressant. Alors, on fait une petite pause musicale sur CKRL au 89.1 et on vous revient avec quelques actualités scientifiques.